téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Avec le confinement mondial et la démultiplication des commandes numériques en ligne, il n'en fallait pas plus pour relancer le fantasme de la livraison automatisée par drone ou par robot roulant. Si vous ajoutez à cela qu'en temps de pandémie et donc de limitation obligatoire des contacts humains, certains entrepreneurs voient d'un œil séduit la possibilité de remplacer des employés, source de contact et donc d'inquiétude pour le client qui peuvent tomber malades, par des automates, comme par exemple aux caisses des magasins, il n'en fallait pas plus pour relancer le fantasme de la robotisation galopante de l'économie. Alors demain, tous chez soi et les robots au boulot. Robot, un métier d'avenir, c'est le programme techno-économique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour interroger ce fantasme ou cette réalité de la robotisation de l'économie, de la destruction créatrice ou de la destruction tout court d'emplois et du visage du travail de demain avec le déploiement de l'intelligence artificielle de plus en plus poussée, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Antonin. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques, et chercheuse associée au Collège de France. Vous avez écrit notamment Le pouvoir de la destruction créatrice avec Philippe Aguillon et Simon Bunel. C'est aux éditions Odile Jacob. Et Raja Chatila, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en robotique, en intelligence artificielle et en éthique à Sorbonne Université. Mais on commence avec celle qui n'a toujours pas été remplacée par un agrégateur de contenu scientifique, mais ça ne saurait tarder. Je dis ça, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Profitez-en, Natacha Triou, tant que vous êtes là pour le Journal des Sciences. Bonjour. Bonjour. Et dans ce journal, on va revenir sur les stratégies sanitaires du gouvernement qui ont été présentées hier par le président de la République, avec une vaccination non obligatoire qui pourrait avoir lieu, Natacha, dès la mi-décembre ou début janvier. Oui, parler de campagne de vaccination à moins d'un an après le séquençage du génome d'un virus, c'est du jamais vu. L'Union européenne a déjà acheté 1,9 milliard de doses auprès de 6 laboratoires, dont Moderna, Pfizer, BioNTech et AstraZeneca. Et 15% des volumes achetés par l'Europe iront à la France. Selon l'Agence européenne des médicaments, les autorisations à de mise sur le marché pourraient se finaliser avant la fin de l'année et 6 ou 7 vaccins devraient être disponibles en 2021. Alors Emmanuel Macron a évoqué hier soir vouloir une grande transparence par rapport à la vaccination. Mais tout ce que nous savons des derniers essais cliniques, ce ne sont que des communiqués de presse. Nous n'avons toujours pas d'études examinées par les pairs, ni même des pré-publications. Et donc, Natacha, pour les chercheurs et les cliniciens, il reste encore du travail. Oui, alors premièrement, il faut déterminer dans quelle mesure ces vaccins fonctionnent chez les personnes les plus vulnérables face à la Covid-19. Deuxièmement, ce n'est pas encore très clair que ces vaccins protègent des formes graves. Et enfin, comme l'a rappelé la Haute Autorité de Santé, on ne sait pas non plus dans quelle mesure ces vaccins empêchent ceux qui ont été vaccinés de transmettre le SARS-CoV-2. Ces vaccins n'auront peut-être aucun effet sur la propagation du virus. Mais surtout, un vaccin n'est utile que s'il est utilisé. Et dans ce domaine, la France est championne en vaccino-scepticisme. Selon le dernier sondage de la Fondation Jean Jaurès, seule la moitié des Français est prêt à se faire vacciner. Renforcer la confiance dans la vaccination sera peut-être l'un des plus grands défis des autorités sanitaires. Et on passe au bref. L'Agence européenne pour l'environnement a publié son rapport annuel sur la pollution de l'air. En matière de qualité de l'air, l'Europe peut mieux faire. bilan à partir des données de 4000 stations de mesure partout en Europe. En 2018, on note une amélioration de la qualité de l'air, mais les niveaux d'exposition aux particules fines dans les milieux urbains restent toujours trop élevés. Le trois quarts des citadins respirent des particules fines à des niveaux supérieurs aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. En 2018, les particules fines sont liées à 417 000 décès prématurés, hein, c'est-à-dire avant l'âge de l'espérance de vie, un chiffre, hein, qui est lui aussi encore trop élevé. La France, l'Italie et l'Allemagne sont actuellement poursuivis en justice pour le non-respect des lois environnementales européennes. Selon une étude parue dans Scientific Reports, de l'eau a bien coulé sur Mars et en grande quantité. Mais le rover Curiosity de la NASA vient de rapporter des preuves d'inondations géantes sur la planète Mars. À partir des observations des sédiments du cratère Gale, une équipe américaine a identifié des antidunes. Les antidunes, ce sont des structures sédimentaires qui ne se forment que sous de très forts flux. Cette crue géante aurait pu être causée par la fonte des glaces provoquée par la chaleur d'un impact important. Cela aurait généré, pendant un temps, un climat chaud et humide, avec même des pluies torrentielles. Selon les auteurs, Mars a été une planète habitable. Reste à savoir si elle a été habitée. Et pour finir, une étude parue dans Scientific Reports selon laquelle la queue des jeunes alligators pourrait repousser. Oui, comme des lézards. La queue des jeunes alligators américains du Mississippi peut repousser jusqu'à 18% de sa longueur totale. Une équipe américaine a observé et cartographié la repousse du cartilage, la repousse des vaisseaux sanguins, des nerfs et des écailles. Selon les auteurs, cette découverte permettrait de développer de nouvelles approches thérapeutiques pour la cicatrisation et la réparation des blessures. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Des entrepôts entièrement automatisés, des drones ou des véhicules autonomes qui prennent en charge la livraison des colis dans le fameux dernier kilomètre, des métros, bientôt des taxis, des trains et pourquoi pas des camions de fret entièrement automatisés sans conducteur, sans oublier votre caisse automatique au supermarché et j'en passe. Il serait difficile aujourd'hui de se voiler la face. Les progrès de la robotique et le développement de l'intelligence artificielle poussent au remplacement de certains types de métiers, des métiers agentiels dans lesquels la présence humaine, la fonction d'agent n'amène pas de plus-value a priori évidente ou chiffrable. Ce spectre de la robotisation de l'économie, de la destruction massive d'emplois par le remplacement de travailleuses et de travailleurs par des machines, il est vieux comme l'histoire. C'était autrefois les métiers à tisser qui menaçaient les tisserands, puis les premières machines-outils de la révolution industrielle, puis les chaînes de production automatisées. Aujourd'hui, la robotisation et l'intelligence artificielle. Écoutez donc, nous sommes en 1953 et on se demande déjà à la radiodiffusion française s'il faut avoir peur des robots. Je crains effroyablement, et beaucoup de personnes, je crois avec moi, fort naïvement, qu'un jour nous ne soyons envahis par des robots qui vous aient dépassé, vous qui les avez créés. Eh bien écoutez, la situation, je crois, ne doit pas être vue avec pessimisme. En effet, évidemment, des robots pourraient être dangereux dès l'instant où ils seraient dotés d'organes de perception, de cerveau et de moteurs, dépassant les limites humaines, ce qui est très possible. Seulement en cela, le danger est le même que celui que nous avions avec les machines. Voyez par exemple une gare importante. Imaginez qu'il y a un mauvais plaisant qui pénètre dans cette gare, qui se met à couper les fils de signaux, à bloquer les aiguillages un peu dans toutes les directions. Vous auriez de même des accidents effroyables. En ce sens, je pense que l'ère des robots n'a de sens que si justement elle est contrôlée et dominée par l'homme. Sinon, nous pouvons avoir évidemment un gâchis épouvantable. Ah ben merci, vous me rassurez parce que vous reconnaissez quand même, c'est tout de même à nous de nous en occuper et de régler tout ça. C'est parfaitement à nous de nous en occuper et j'ai personnellement beaucoup d'espoir dans la notion de robot. Le robot, en effet, c'est le contraire de la machine. La machine avait asservi l'homme. En ce sens qu'en 1800, l'homme a créé des moteurs. Et ces moteurs, c'est lui qui était obligé de les servir. Il était obligé de percevoir, de raisonner. Il était obligé de prêter à chaque instant toute son attention pour la conduite des moteurs. Et par là même, notre vie moderne est devenue un véritable asservissement au progrès. Au contraire, le robot, c'est une machine qui est capable de travailler seule, c'est-à-dire sans notre intervention. Autrement dit, s'il ne tient absolument qu'à nous, que l'avènement du robot soit l'âge d'or de l'humanité, puisque justement le robot peut servir l'homme alors que la machine la servissait. Voilà cette archive, cette inquiétude autour des robots, une réaction, c'est intéressant. Et en 53, on est 3 ans après iRobot d'Asimov, c'est le moment où on commence à fantasmer précisément sur la robotisation du monde et de l'économie en particulier. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Céline Antonin. Oui, alors une réaction sur le fait que cette crainte de l'automatisation et du remplacement donc de l'homme par la machine est très ancienne. Vous l'avez mentionné, vous avez parlé des luddites en fait au 19e siècle qui déjà détruisaient les métiers à tisser parce qu'ils avaient peur justement qu'ils remplacent leurs emplois. Et en fait, même si on parle de grands économistes, Keynes lui-même dans les années 30 justement dénonçait déjà le chômage technologique et de même que Léontiev dans les années 50. Donc c'est vraiment une peur qui a été récurrente au cours de l'histoire économique et qui a aussi qui est allée de pair avec les différentes révolutions industrielles. À chaque fois qu'on a vu arriver une révolution industrielle, on s'est effectivement posé cette question de savoir si les nouvelles vagues allaient remplacer, enfin les emplois allaient être massivement remplacés dans chacune de ces vagues. Or, jusqu'à présent, aucune de ces craintes ne s'est matérialisée. Alors, en revanche, on a des pans entiers d'emplois qui ont disparu. Certains emplois ont totalement disparu. Donc, mais c'est pas pour autant que l'emploi a disparu, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que certains emplois disparaissent, mais d'autres se créent. Voilà. Alors après, on peut se poser la question de la qualité de ces nouveaux emplois créés, Voilà. du nombre. Est-ce que c'est la même proportion? Donc ça, c'est des questions qu'on va aborder. Mais en tout cas, cette crainte de vraiment de la disparition de l'emploi, moi, je n'y crois pas. Sauf si, là, je parle sous le contrôle de mon collègue scientifique, sauf si on est un peu dans ce qu'évoquait au début du court reportage, donc alors je sais plus le nom du monsieur, mais effectivement si on est dans l'intelligence artificielle forte où en fait les robots deviendraient plus intelligents que les humains et où en fait il y aurait plus de place pour l'humain, mais j'allais dire là c'est plus une question d'emploi, pour moi c'est une question d'humanité, et là c'est la C'est ça. destruction totale de l'humanité, donc la question de l'emploi ne se pose même plus. C'est Mais à ça. part dans cette configuration, et si on part d'une intelligence artificielle qui serait faible, ou en tout cas de machine qui serait perfectionnée mais qui ne remplacerait pas l'humain en termes de capacité cognitive, à mon avis, on reste dans des remplacements comme on l'a connu jusqu'à présent, et donc il y a encore une possibilité pour que l'humain ait de l'emploi. On va pas évoquer aujourd'hui et dans cette émission ce qu'on appelle l'IA forte et donc ce que décrivait Asimov d'ailleurs, ou la possibilité de ce que décrivent d'autres auteurs de science-fiction du remplacement complet de l'humain par la machine. Mais juste, Raja Chatila, un mot, on reviendra sur tout ce que vous avez dit, beaucoup de choses déjà, Céline Antonin, mais on va prendre le temps de détricoter un peu tout ça et d'aborder point à point, notamment la question des destructions de certaines branches d'emploi pour le remplacement, parce que la destruction créatrice, etc., on y reviendra. Mais Raja Chatila, pardon, peut-être juste d'abord pour commencer votre réaction à cette archive. On l'a choisi pour une raison, moi, qui me paraît intéressante, c'est qu'on entend bien à la fin de l'archive, le robot, c'est le contraire de la machine. Le robot est fait pour libérer, la machine pour assouvir. Pour asservir, pour oui. asservir, pardon, excuse-moi. Oui, bon, c'est un lapsus intéressant. Oui. Ce débat est intemporel. En fait, vous auriez pu le passer il est passé dans les années 50, je crois. Bon, vous pouvez le passer aujourd'hui, c'est le même débat. Je vais pas m'étendre parce qu'on y reviendra, mais évidemment que aussi bien la machine que le robot, c'est-à-dire une machine plus capable, est conçue, c'est exprès, pour aider, parfois remplacer le travailleur humain, pour différentes raisons, parce que la tâche est trop répétitive, parce qu'elle est dangereuse, parce que l'environnement est dangereux. Donc, en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Après, évidemment, les personnes qui faisaient ce travail, eh bien, voient leur travail se déplacer ailleurs. Et donc, ce n'est pas sans poser problème, parce que ça va se déplacer vers d'autres domaines. Donc, quand on dit déplacement de l'emploi, déplacement de travail, il faut se poser la question où. Par exemple, au 19e siècle, la population française, au début du 19e siècle, était essentiellement dans l'agriculture. Aujourd'hui, le pourcentage des travailleurs dans le domaine, ou des paysans dans le domaine de l'agriculture, donc sur la population active, il est minime. Tout s'est déplacé vers les services de plus en plus, hein. Donc ça, c'est clair que de nouveaux emplois ont été créés et de nouvelles activités ont été créées. Donc en soi, effectivement, on voit bien ce glissement. Simplement, quand on parle d'emploi, c'est un peu impersonnel. Il faut toujours penser aux êtres humains qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils deviennent et comment finalement gérer cette transformation. Est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, que cette crise sanitaire actuelle, d'un seul coup, justement, puisqu'on parle de peut-être de la, qu'on peut faire la distinction entre l'emploi et le travail, qu'on voit bien qu'il y a une certaine frange de, d'emplois ou en tout cas de personnes qui sont restées, qui ont été des liens nécessaires entre le pour continuer à faire fonctionner l'économie, et qu'on voit des tentations, comme je le disais, par le développement de la livraison robotisée, par la livraison par drone, par la limitation des contacts humains, bon, d'aller un cran plus loin, de pousser un peu plus justement dans le sens d'une disparition de ces métiers que je définissais comme agentiels, Céline Antonin, c'est-à-dire finalement où la présence humaine n'apporte pas de plus-value particulière à la fonction exercée. Oui, clairement, c'est dans ce type justement d'événements, même, enfin, disons que des événements comme la crise du Covid qu'on vit en ce moment, met en exergue des tendances qui sont déjà en fait, qui étaient déjà observables avant dans l'économie, et ça les accélère. C'est-à-dire que on avait en fait un phénomène qu'on observait en économie de polarisation de l'emploi, hein, qui est souvent décrit, qui est la disparition en fait progressive des emplois à caractère routinier. Et en fait, on a eu en ça un glissement dans le temps, c'est-à-dire que sans vous faire tout l'historique de l'histoire économique du progrès technique, mais dans les années 90, on avait plutôt l'idée que l'automatisation allait être complémentaire de l'emploi qualifié, et donc allait avoir un impact négatif sur les travailleurs peu qualifiés, et donc les emplois qui allaient disparaître, c'était ceux qui étaient les ouvriers non qualifiés, c'était donc tous les emplois qui finalement n'avaient pas beaucoup de qualifications et n'avaient pas un niveau d'éducation important. Or, on s'est rendu compte en fait que c'était une vision un peu faussée, et que en réalité c'était la limite, c'était plus complexe que ça, et qu'en fait c'était une question d'emploi routinier versus non routinier. C'est-à-dire que c'était plutôt les emplois qualifiés comme non qualifiés, mais qui demandent un certain degré donc de routine, qui allaient être les plus menacés par l'automatisation. Et en fait, on a mis en évidence que c'était aussi vrai dans les emplois qualifiés que peu qualifiés, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des emplois peu qualifiés, mais qui ne sont pas routiniers parce qu'ils demandent une grande adaptabilité, une grande flexibilité, et ceux-là ne sont pas menacés. A contrario, vous avez des emplois qui étaient moyennement qualifiés et qui, eux, pouvaient être menacés. Et par exemple, je sais pas, je prends l'exemple des personnes qui travaillent dans les banques, qui seraient menacées par les chatbots, donc les robots entre guillemets intelligents, et qui pourraient remplacer les conseillers clientèle dans les banques. Donc vous voyez, c'est vraiment cette idée qui a été mise en exergue, avec l'idée vraiment que c'était la routine, le caractère routinier de l'emploi qui allait être qui allait créer le risque sur l'emploi. Et j'en arrive à ce que vous disiez, donc sur par exemple ces fameux emplois qui pourraient être remplacés par des drones, les emplois de livreurs. Bon, tout ça c'est des emplois qui finalement ont un caractère routinier très fort, et donc ce sont des emplois qui sont menacés. En plus, ce sont des emplois finalement de services à bas coût qu'on a créés, alors avec tous les problèmes de protection sociale aussi que ça pose, hein, je pense à vraiment à l'ubérisation du travail. Et donc ces emplois-là, c'est vrai que ce sont des emplois qui sont clairement menacés par la technique. D'où la nécessité, à mon avis, dans la transition justement professionnelle qu'on peut envisager pour permettre aux gens de ce déplacement dont on a parlé dans l'emploi, et de les accompagner vers d'autres emplois, la nécessité de se recentrer sur des tâches qui justement ne sont pas automatisables, et sur des tâches qui demandent une adaptabilité et une humanité, si j'ose dire, qui justement permet des emplois pérennes. Raja Chatila, à ce propos, et sur le coup d'accélérateur qu'aurait pu donner cette crise sanitaire ? C'est clair que la crise sanitaire, comme toutes les crises d'ailleurs, accélère les phénomènes dans un sens ou dans l'autre, et en particulier... pour compléter les propos de Madame Antonin, on a mis en évidence le travail à distance. Le travail à distance qui, finalement, se trouve finalement maintenant la norme plutôt que l'exception. Et ça transforme énormément la manière de travailler. Ça n'est pas nécessairement une transformation fondamentale dans les relations de travail, parce qu'on passe aussi son temps à interagir avec des collègues, par exemple, mais la manière de travailler et l'idée même de se retrouver dans un même lieu physique pour travailler ensemble est transformée. Les outils qui permettent cela, c'est bien sûr les outils des sciences et technologies de l'information et de la communication. Sans cela, on n'aurait pas pu le faire. Donc, vous voyez comment la technologie aussi joue un rôle qui était en croissance, mais qui est devenu maintenant en croissance quasi exponentielle. Et d'ailleurs, ça inclut aussi des techniques d'intelligence artificielle, entre autres. Donc, clairement, de ce côté-là, la crise sanitaire joue un rôle. Elle joue un rôle aussi dans la mise en évidence, il a été dit, de certains emplois, donc livreurs, etc., qui sont automatisables. Mais je pense qu'il ne faut pas parler d'emplois, il faut parler de tâches. Parce que dans chaque emploi, un job en anglais, dans chaque emploi, il y a une partie routinière, une partie donc automatisable, parce que la machine sait faire la routine, et une partie qui ne l'est pas. Et donc, il faut, je pense, avoir une pensée globale sur la nature d'un poste où certaines parties peuvent être transformées, automatisées. Moi-même, dans mes activités quotidiennes, j'ai plein de choses qui peuvent être transformées et quasiment automatisées. Par exemple. D'autres, eh bien, quand, par exemple, je suis en train de taper des textes, vous savez, maintenant, on crée des systèmes qui permettent de compléter, parce que, ou de corriger. Donc, je passais du temps à le faire, ça, avant. Compléter, corriger, etc. Maintenant, j'appuie sur une touche et ça se complète tout seul. Et ça peut aller plus loin, avec des systèmes de génération de texte. Ça peut aller plus loin, parce que la machine peut être entraînée sur mon style, sur le contenu de mes paroles, etc. Après, je n'ai qu'à vérifier. Et le contrôle humain est effectivement très important. Mais, et pendant que la machine complète, eh bien, moi, j'avance plus vite. Donc, ça rend mon travail plus productif. Mais en même temps, c'est beaucoup plus complexe que ça, en réalité. Et il faut bien saisir cette complexité. Parce que parfois, les tâches routinières, ou qu'on estime routinières, servent aussi à asseoir une certaine compétence ou à donner un certain temps à d'autres tâches, à un temps de maturation, à d'autres tâches qui semblent moins routinières. Vous pensez à quoi, par exemple ? Alors, je pense par exemple que pendant que je tape sans réfléchir, je suis en train de réfléchir justement à autre chose. Et si je n'étais pas en train de faire la tâche routinière de taper un texte, cette période, cette possibilité de pensée créatrice, elle ne pourrait pas s'exprimer. Je peux donner un autre exemple, peut-être plus parlant. Le soin. Dans le cadre du soin à la personne, il y a des tâches qui sont faisables avec une machine ou avec l'aide d'une machine. Et il y a des tâches qui n'exigent pas nécessairement la présence physique du soignant. Donc, par exemple, la prise de médicaments, ça peut être un système automatique. Par exemple, changer des draps, ça peut être un système automatique. Et puis, on peut dire, bah, comme ça, on va gagner du temps pour les soignants, pour qu'ils passent plus de temps d'interaction, d'empathie avec les personnes malades. Mais on oublie que le soin physique, ces tâches même qui sont plus automatisables, contribuent en réalité à créer le lien empathique. Et donc, il ne faut pas les regarder uniquement du point de vue de leur place dans l'économie de du métier. Il faut les regarder globalement dans ce qu'elles contribuent comme valeur ajoutée, y compris aux tâches qui ne sont pas automatisables. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h, bientôt 25 déjà, nous parlons de robotisation de l'économie, de la place grandissante de l'intelligence artificielle dans le remplacement d'un certain nombre d'emplois par d'autres, le déplacement, la destruction créatrice. Ce sont toutes les questions que nous allons tâcher d'aborder aujourd'hui avec nos deux invités, Céline Antonin et Raja Chatila. J'aimerais peut-être qu'on revienne à quelque chose d'un peu concret, parce que c'est vrai que quand on réfléchit, et on l'a déjà fait à ce micro, à cette automatisation de l'économie, à cette robotisation progressive, eh bien, on a tendance à parler de manière un peu globale de choses qui sont extrêmement distinctes, comme vous venez de le faire, Raja Chatila. On parle autant bien de la livraison de colis que du soin, et d'ailleurs du soin pas uniquement dans le soin infirmier, mais on parle également de remplacement de certaines professions, comme par exemple la lecture d'examens médicaux, où certaines IA seraient plus performantes pour détecter, par exemple, des débuts de tumeurs que l'œil humain. Concrètement aujourd'hui, Raja Chatila, quand on parle de cette quatrième révolution industrielle, de quel type de robotisation concrète on parle, de quel type de mécanique de substitution d'un emploi humain à un emploi automatique est-il question ? Alors justement, ça c'est une question absolument importante parce que s'agit-il de la même chose que les révolutions industrielles précédentes ? Voilà. S'agit-il véritablement d'une automatisation ? Eh bien oui, d'une certaine façon, il s'agit d'une automatisation, mais d'une automatisation qui va plus loin parce qu'elle touche des tâches cognitives. Elle ne touche pas que des tâches physiques et systématiques. Et quand on dit cognitif, ça veut dire des activités que l'on pense être dévolues à une réflexion humaine, à une connaissance, à une formation. Donc, vous avez très bien donné l'exemple de, par exemple, le diagnostic à partir d'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est une source de données fantastique, donc on dispose d'énormément de données, et de ce fait, il est facile, relativement facile, disons, d'entraîner un système d'intelligence artificielle, de lui faire apprendre à reconnaître des tumeurs, et avec une très grande précision. Or ça, il faut des années de formation pour un médecin pour le faire. Donc c'est une tâche éminemment cognitive. Et le médecin comprend en réalité, quand il perçoit quelque chose dans une image, il comprend de quoi il s'agit. La machine ne comprend pas, hein, ça j'insiste, elle ne comprend pas. En revanche, elle détecte, et elle peut détecter facilement, si elle était bien entraînée, les éléments sur lesquels le médecin va se baser pour lui bâtir une compréhension plus globale. Donc, la machine s'approche, la machine, l'intelligence artificielle s'approche de plus en plus de nos capacités cognitives. Et donc, il y a une nouvelle population, il y a un nouveau type de tâches qui sont en danger. Alors, parlons concrètement, hein, si vous voulez bien, parce qu'il faut citer aussi quelques chiffres. Donc, par exemple, l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, a fait des études sur cette question-là. Et d'après ces études, qui datent de 2019, 14% des métiers, des tâches, ont un grand risque d'automatisation. Mmh. Mais 32% peuvent être radicalement transformés. Ouais. Ça veut dire qu'on ne les exercerait pas de la même manière. Mais je vous interromps, Raja Chatila, parce que à ce titre-là, vous évoquez cette étude de l'OCDE qui évoque donc 14% des métiers qui peuvent disparaître ou être transformés par l'automatisation. L'étude de référence, celle d'Oxford, de Frey Osborne de 2013, parlait de quasiment un emploi sur deux, de 47%. On a l'impression que dans la littérature, pour m'y être penché en préparant cette émission, on trouve un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on trouve des interprétations totalement paradoxales d'un certain nombre d'études qui ne s'appuient finalement sur rien de solide. Et j'aimerais entendre Céline Antonin à ce propos. Oui, alors c'est vrai que depuis, donc il y a eu cette étude de Frey Osborne. Alors ce en quoi elle a fait beaucoup de bruit, c'est déjà le caractère novateur puisque elle parlait de l'intelligence artificielle. Donc elle essayait vraiment de faire de la prospective puisque jusque là c'est vrai qu'on s'était surtout basé sur des données passées et nous-mêmes donc avec mes co-auteurs Philippe Aguillon, Simon Bunel et Xavier Jaravel, on a écrit des choses sur l'automatisation passée. Alors qui permet bien sûr d'avoir des idées pour le futur, mais là il y avait vraiment un travail de prospective. Alors en fait la différence entre ce que font Frey et Osborne, parce qu'effectivement ils affichaient ce chiffre de 47% des emplois américains qui étaient à risque de disparaître dans les prochaines années, donc ça a fait couler beaucoup d'encre. En fait, sans rentrer dans les détails de la technique qu'ils utilisent, en fait ce qu'ils ont fait c'est que ils ont demandé ils ont travaillé en collaboration avec des experts de l'université de Cambridge justement en apprentissage machine pour décider si certaines tâches étaient si certains métiers étaient automatisables. Mais ce qu'il y a c'est qu'ils ont raisonné sur des métiers en fait, et à partir de plusieurs caractéristiques prédictives de ces métiers, ils ont inféré sur 700 métiers est-ce que certains étaient à risque de disparaître ou pas. Et en fait, ils ont été pas mal critiqués justement parce que, c'est ce que disait justement Monsieur Chatila, c'est que l'automatisation toucherait des tâches plutôt que des emplois complets. On voit bien que dans un emploi, une tâche peut disparaître. Je reprends mon exemple du conseiller bancaire. On peut très bien ne plus, renseigner un certain nombre de clients sur des demandes basiques de prêt par exemple, mais se concentrer sur les cas plus complexes, sur des gens qui ont des problématiques de surendettement, etc. Enfin, donc Un emploi peut lui-même comporter plusieurs tâches et on peut se recentrer sur certaines de ces tâches, donc c'est ce qu'ils ne prennent pas en compte, d'où une partie de la surestimation dans ces 47% qu'ils affichent d'emplois potentiellement détruits. Ensuite, au sein d'une même profession, vous pouvez avoir des tâches assez hétérogènes aussi à accomplir. Donc ça, c'est un deuxième point. Et enfin, il y a aussi un autre problème dans cette étude qui est qu'on ne tient pas compte de la réponse de l'économie dans son ensemble, dans un modèle en fait d'équilibre général, c'est-à-dire qu'on ne prend pas compte... On ne prend pas en compte le coût de l'automatisation, d'une part, puisqu'effectivement, acquérir des machines, s'automatiser, déjà, ça a un coût. Et donc, il faut que vous regardiez, en fait, quel est le rendement de ces machines par rapport au coût du travail humain. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des nouveaux emplois complémentaires de l'automatisation qui sont créés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler que de destruction sans parler aussi de création. Bien sûr. Ça, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission sur ces mécanismes-là. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Mais en tout cas, la différence, donc, entre ces 14% qu'évoquait M. Chatila dans les études de l'OCDE, c'est vraiment la différence entre d'un côté supposer que quand une tâche disparaît, un emploi disparaît, et de l'autre de dire qu'on peut avoir des suppressions de certaines tâches, mais un emploi continue quand même à exister. Donc c'est ça qui explique cette différence. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est très difficile de faire des études prospectives parce que c'est très difficile de savoir à quoi ressembleront les emplois de demain. Et effectivement, quand on parle de remplacement d'activité cognitive, c'est difficile de savoir est-ce qu'un assistant juridique continuera à exister ou est-ce que il sera totalement remplacé par la machine. C'est vrai que sur ça, on peut faire que des hypothèses, mais on n'a pas forcément les outils pour savoir ce qui va vraiment être dans quelques années. Raja Chatila, d'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que depuis quelques années qu'on parle de ce sujet au micro de la méthode scientifique, j'ai acquis le sentiment, et là je vais vous livrer un ressenti personnel, que on parle d'une part d'un bouleversement d'automatisation de la société, et je vais prendre pour exemple les transports intelligents, c'est-à-dire ce monde multimodal de plateformes automatisées où les voitures seraient des voitures automatiques qui connecteraient avec des trains eux-mêmes automatiques, où il n'y aurait plus d'embouteillage parce que tout ça serait relié sur un grid intelligent, donc une espèce de fantasme de l'automatisation vertueuse. Et de l'autre côté, on constate jour après jour dans notre vie quotidienne, une sorte d'automatisation rampante qui, elle, n'est que très peu théorisée. J'en prends pour exemple les caisses automatiques dans les supermarchés ou la disparition effectivement des conseillers bancaires qui sont remplacés par des ordinateurs et ou des plateformes téléphoniques. Vous voyez qu'il y a un peu deux poids, deux mesures dans cette grande conceptualisation économico-intellectuelle de la robotisation et de l'automatisation et en fait la perception de l'autre côté d'une automatisation à deux vitesses, l'automatisation réelle étant tout de même beaucoup moins vertueuse que l'automatisation putative ou intellectuelle ou idéale en tout cas. Oh mais oui, effectivement, c'est clair, mais cette automatisation réelle, techniquement, elle est beaucoup plus simple. C'est les technologies mises en œuvre sont des technologies anciennes. Et il y a eu ensuite une sorte de décision des entreprises concernées de faire cela massivement pour différentes raisons. C'est pour ça qu'elle n'est pas celle forcément qui est mise en avant, mais elle participe quand même à ce mouvement. Et d'autre part, elle touche une partie de la population qui est effectivement une partie de la population qui effectue des tâches manuelles et donc pas tellement de tâches cognitives. On est encore dans la machine automatisée, c'est encore le tourniquet du métro qui a remplacé le poinçonneur. En quelque sorte, hein. Ça procède du même mouvement des années 80. Oui, les machines de vente de tickets ou qui ont remplacé les agents derrière les vitrines. Enfin, c'est ce mouvement-là qu'on voit, qui continue. Enfin, je veux dire, qui continue à bas bruit, petit à petit, progressivement, par envahir tous les secteurs du service. Exactement. Mais c'est justement cela pose quand même un problème parce que en fait, ces emplois-là, les personnes qui exercent ces emplois-là ont en général une formation qui n'est pas très avancée en termes de diplôme. Ça, c'est un souci. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, il ne faut jamais considérer les choses uniquement d'un seul point de vue, par exemple le point de vue économique. Il faut considérer cela du point de vue aussi social et politique. Donc, par exemple, aujourd'hui, si on considère cette transformation, là aussi, selon les statistiques de l'OCDE, 60% de la population n'a aucune capacité de connaissance, d'appréhension de l'informatique ou des métiers qui nécessitent l'utilisation de l'informatique, ce qu'on appelle les technologies de l'information. Or, ces technologies sont de plus en plus présentes dans notre vie. On continue à former les gens comme si on travaillait encore comme au XXe siècle, avec crayon et papier. Donc il y a un problème de transformation qui doit être au niveau de l'éducation. Or, qui paye l'éducation? L'État. Qui paye cette... Raja Chadia, je vous interromps une seconde, mais enfin tout de même aujourd'hui, quasiment, ou alors vraiment c'est moi qui vis dans un univers parallèle et je me rends pas compte de la réalité, mais j'ai quand même tout de même l'impression qu'aujourd'hui tout le monde est formé à l'emploi, à l'utilisation des outils informatiques les plus simples, à savoir ceux que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, que ce soit des traitements de texte, l'utilisation d'un ordinateur, l'utilisation d'Internet. Enfin, aujourd'hui tout ça quand même est tout de même intégré au cursus d'éducation quel qu'il soit, et même depuis plutôt le plus jeune âge. Je vis peut-être dans un monde de bisounours, hein, je ne sais pas, mais... Non, pas de bisounours, parce que... je veux dire que les chiffres que je donne, donc c'est un chiffre de nouveau de l'étude de l'OCDE qui date de 2019, mais qui concerne les 29 pays de l'OCDE. Donc ah oui, d'accord, bien, parce qu'évidemment, je vois ça par le prisme français, donc je vois où est mon biais. Okay. Mais même en France, d'ailleurs, et la crise de la Covid l'a bien mise en évidence, il y a quand même une inégalité d'accès, parce que quand on est passé, par exemple, à l'enseignement à distance, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur. Évidemment. Il y a des familles qui ont peut-être un ordinateur alors qu'il y a trois enfants qui suivent des cours différents. Donc, l'accès quand même, la formation et l'accès à ces technologies-là n'est pas réparti d'une manière équitable. Autant pour moi, je vous entends tout à fait là-dessus. On va poursuivre notre conversation sur bien cette robotisation, cette automatisation. On va revenir sur un concept important qu'évoquait Céline Dintonin, celui de la destruction créatrice, puisque il était indiscutable que l'automatisation détruit des emplois. Mais ces emplois sont-ils créés ailleurs? Y a-t-il un phénomène de vase communicant ou pas? Et à quoi peuvent ressembler les emplois qui resteront des emplois humains demain? Autant de questions que nous allons nous poser dans quelques secondes. Je voudrais suivre ce chemin, prendre un détour, quitter la ville, marcher le long jusqu'à demain, dérailler des terres fertiles, quand l'aube se dérobe. J'aimerais revoir, s'il vous plaît, la maison, la place et l'école, la fille et le chien que j'aimais, et les machines agricoles, quand l'aube se dérobe. Et quando me despierte, se quedará un sueño. Et quando me despierte, se quedará sueño. Pour un instant, une seconde, je voudrais parler à mon père, qu'il soit encore de ce monde, et à son cou me trouver fier, quand l'aube se dérobe. Avant que les grues et les hommes fassent une ruine de ces pierres, j'irai où les figuiers embaument, m'allonger là dans la lumière, quand l'aube se dérobe. Et quando me despierte, se quedará un sueño. cuando me despierte se quedará un sueño. L'aube de Roche Noire à 16h bientôt 40 sur France Culture. Nous poursuivons notre soutien via mon réalisateur Olivier Bétard à la scène musicale indépendante française pendant ces temps difficiles de confinement. On me souffle dans l'oreillette que Roche Noire est à la recherche d'un label. Donc voilà, le message est passé. Nous continuons à parler de robotisation de l'économie en compagnie de Céline Antonin, qui est économiste au département analyse et prévision de l'OFCE et chercheuse associée au Collège de France. Et Raja Chatila, qui est professeur émérite en robotique, en intelligence artificielle et éthique à Sorbonne Université. Mais comme tous les mercredis, à mi-parcours, il est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Oreste Firsov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à l'école doctorale de sciences économiques et au laboratoire CREG de l'université Grenoble-Alpes. Vous travaillez sur l'IA, la robotisation et l'organisation interne de la firme Analyse économique des firmes manufacturières confrontées à l'industrie 4.0. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Merci. Donc, la pandémie a accéléré la digitalisation et la robotisation des entreprises. Et de point de vue de la théorie organisationnelle, l'intégration des nouvelles techniques entraîne des changements dans l'organisation interne des entreprises. Donc, dans leur routine, leur méthode de coordonner ses salariés et parties prenantes à agir dans l'intérêt commun de la firme et non dans l'intérêt individuel de chacun. Donc, avec l'essor de la robotisation et des systèmes d'intelligence artificielle, les firmes industrielles sont confrontées à la modification de leur processus de production. Ce changement est représenté par exemple par ce qu'on appelle aujourd'hui comme industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Et ma thèse porte exactement sur cette nouvelle organisation des firmes artificiellement intelligentes. Donc j'étudie l'impact d'intelligence artificielle sur la hiérarchie de prise de décision et le partage du pouvoir au sein des firmes et dans ses réseaux de production. Alors que se passe-t-il ? Premièrement, l'intelligence artificielle impacte la nature du travail des salariés et ceci à tous les niveaux. Grâce à sa capacité d'analyse de données, de big data, l'intelligence artificielle permet de augmenter notre capacité à prédire et surtout dans le contexte d'incertitude. L'IA réduit ce coût de prédiction. Prédire, bien sûr, ne veut pas dire que ça nous permet de réduire ou de prendre le jugement automatiquement. Donc le rôle d'un agent humain serait de faire ce jugement. Et le jugement dans ces contextes d'incertitude nécessite une expertise pointue. Alors, dans les entreprises de forte intensité technologique, le temps des experts, des employés qualifiés, est extrêmement précieux. L'entreprise souhaite à ce que les employés opérationnels moins qualifiés traitent le plus large éventail des problèmes possibles et ne remontent à ces experts que les tâches pointues. Et une fois que cette décision experte concernant une tâche pointue est prise, on peut l'appliquer, on peut le diffuser à tous les cas similaires. Surtout grâce aux capacités d'automatisation au moins partielle de cette décision avec intelligence artificielle. Donc, ce qui en résulte, un salarié opérationnel a plus de responsabilités et d'autonomie, un manager augmente son étendue de contrôle car lui, il a moins de tâches répétitives et le nombre de niveaux hiérarchiques est réduit. Cependant, dans le cas où un agent humain, par exemple un manager, contrôle des capacités d'intelligence artificielle, il se pose une question de l'asymétrie d'information. Par exemple, dans le cas de systèmes de contrôle de performance en continu qu'on installe sur votre PC et qui vous surveille, et qui vous adapte et qui vous étudie. Et ceci pose derrière une question sur le propriétaire qui contrôle l'IA, parce que les systèmes d'intelligence artificielle et ces robots intelligents n'appartiennent pas forcément aux entreprises industrielles qui les utilisent. Et c'est surtout vrai dans le cas des PME. Et si vous utilisez l'IA, vous pouvez, sans le savoir, acheter l'accès à l'IA et à contribuer à l'amélioration de cette IA, qui est en même temps utilisé par votre concurrent. Donc, globalement, l'IA permet aux entreprises d'aplatir la hiérarchie, de passer vers une forme plus organique. Et elle incite les entreprises à consacrer plus de ressources à innover afin de rester en avance sur les concurrents qui sont eux aussi de plus en plus dynamiques. Mais en même temps, l'intelligence artificielle oblige les entreprises d'envisager de nouvelles formes de coopération interfirme qui sont aujourd'hui devient essentielles. Donc, c'est cette dynamique organisationnelle que moi je traite dans ma thèse. Comment les firmes adaptent à ces défis? Et je repasse sur dans la nouvelle économie institutionnelle et économie évolutionniste. Et en 2021, je réaliserai une série d'études de cas économétriques sur les entreprises industrielles françaises. Donc, les fruits de mes recherches seront particulièrement pertinents dans notre société après Covid. Il faut penser comment l'analyser, comment l'analyse de l'industrie 4.0 et d'intelligence artificielle peut aider à prendre des décisions en matière de politique publique industrielle. Merci beaucoup, Orest Firsov, pour cette présentation. Une réaction peut-être rapide, Raja Chatila et Céline Antonin, à ce que vous venez d'entendre. Céline Antonin, pour commencer. Oui, bah écoutez, ça me paraît très intéressant, hein, en matière, surtout en matière organisationnelle. Donc c'est vrai que le fait de montrer que justement l'IA peut avoir des vertus au sein même de l'organisation de l'entreprise, je pense que c'est effectivement c'est un sujet intéressant. Et c'est vrai qu'ayant moi-même travaillé avec mes co-auteurs sur la question des entreprises industrielles, je pense qu'en plus c'est un bon vivier de données et d'observations. Donc tous mes encouragements dans l'approfondissement de ces recherches. Raja Chatila a aussi un mot rapide sur cette thèse doctorale. Oui, c'est clairement, je crois, ce que je vais mettre en évidence, c'est que l'intelligence artificielle est source de certains problèmes qu'on est en train de discuter, mais elle est source de certaines solutions aussi. Donc, et les deux contribuent finalement ensuite à bien identifier comment gouverner l'utilisation de cette technologie. Peut-être qu'on va en revenir, j'aimerais qu'on revienne tout de même un mot et qu'on dise un mot parce que c'est vraiment très important, parce que je pense que là aussi, comme je le disais tout à l'heure sur les chiffres de remplacement, on a l'impression qu'on lit un peu tout et son contraire. À propos de cette notion de destruction créatrice schumpeterienne, peut-être que je vais vous laisser en quelques mots, Céline Antonin, nous rappeler exactement de quoi il s'agit. Je vais peut-être vous tendre le bras ou vous tendre le relais en disant que, grosso modo, l'idée est que l'évolution de l'économie, le progrès conduit à la destruction d'un certain nombre d'emplois, mais que ces emplois ne sont pas totalement détruits, ils sont juste transférés vers ce que les progrès ouvrent comme nouveau champ d'emploi et de travail finalement. Tout à fait. En fait, vous avez un double mécanisme, donc qu'on peut illustrer par justement ce concept de destruction créatrice, c'est que vous avez un premier mécanisme, qui est celui auquel on pense, de la substitution entre emploi et machine, par exemple, donc travail humain et machine, et donc vous avez cette idée que on va perdre des emplois puisque le capital va remplacer le travail. Donc ça, c'est le premier effet. Mais en fait, il y a un deuxième effet qui est l'effet de hausse de productivité et qui est de dire que en réalité si une entreprise acquiert davantage de machines, acquiert davantage de robots, en réalité ça va lui permettre de conquérir davantage de parts de marché, d'avoir plus de productivité, et ça va avoir un effet bénéfique puisque effectivement grâce à cet effet elle va pouvoir embaucher davantage de personnes, et donc ça, il y a ces deux effets qu'il faut mettre en balance. Et justement, si vous le permettez, je voulais juste citer l'étude qu'on a menée donc avec mes trois co-auteurs Philippe Aguillon, Simon Bunel et Xavier Géravel, sur les entreprises françaises, donc des entreprises industrielles françaises. Donc on a couvert vraiment une grande partie du tissu productif industriel, puisqu'on s'est fondé sur des enquêtes de l'INSEE. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que, alors on a regardé l'automatisation au sens large, hein, et au sens passé, c'est-à-dire que c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation au sens où on l'entend, les robots, les machines, tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans une entreprise industrielle. Et sur 20 ans, ce qu'on constate, et je pense que c'est un constat qui est quand même assez fort et qui est assez contre-intuitif, c'est que lorsque on accroît l'automatisation, en réalité, on va accroître l'emploi. Et c'est aussi vrai à l'instant T, c'est-à-dire que si on acquiert une machine en 95, on accroît l'emploi en 95, et c'est vrai 10 ans plus tard. C'est-à-dire que les entreprises, les établissements qui ont automatisé sont ceux qui, 10 ans plus tard, vont avoir plus d'emplois que leurs concurrents. Alors on a nous-mêmes été surpris en fait du résultat, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut entendre dans le débat public, on s'est dit tiens, c'est quand même un résultat un peu contre-intuitif, disons. Contre-intuitif. Alors sachant que en fait, on n'est pas les seuls à trouver cet effet, et que sur d'autres pays, en Espagne, en Allemagne, d'autres chercheurs ont trouvé récemment des résultats assez proches, donc qui montrent que on crée de l'emploi grâce à l'automatisation. Et en fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est que il y aurait un effet, justement, l'effet de productivité que j'évoquais serait plus fort que l'effet de destruction d'emplois lié aux machines. C'est-à-dire que en réalité, lorsque vous automatisez, vous devenez plus performant que vos concurrents. On a remarqué que les entreprises qui qui exportaient le plus, par exemple, les entreprises qui étaient les plus portées sur l'exportation, dans les secteurs les plus exportateurs, c'était là qu'on voyait les effets les plus positifs. Donc ça veut vraiment dire que vous conquérez des parts de marché et vous, du coup, vous pouvez créer de l'emploi. Donc il y a aussi tout ça à mettre en balance quand on parle effectivement d'automatisation ou d'intelligence artificielle. Il y a le fait que effectivement c'est aussi un vivier d'emploi. Donc en tout cas, il semble qu'au niveau macroéconomique, cet effet, il est, pour ce qu'on en observe, nous, sur la partie industrielle, plutôt positif. C'est ce que vous observez et c'est effectivement intéressant. On va continuer à en discuter parce que vous parlez évidemment de l'export. Donc si on parle d'export, c'est-à-dire qu'on parle d'un certain type d'entreprise qui est déjà dans une position d'avoir du marché à l'international. La question est de savoir que aussi quelle est la qualité des emplois qui sont créés par l'automatisation. De quoi on parle? Est-ce que c'est pour créer un emploi, l'emploi qui va être remplacé ou qui va être substitué est un emploi moins ou plus qualifié? En général, on a tendance à dire que les emplois qui sont créés par l'automatisation sont des emplois plutôt moins qualifié. Rajesh Attila, que pensez-vous de ce que vous vient de dire Céline Antonin et finalement de ce constat qui est partagé mais qui est aussi invalidé par d'autres études disant que finalement, en fin de calcul, l'automatisation est plutôt créatrice d'emplois que destructrice? Oui, moi je crois qu'il faut de nouveau considérer les choses globalement, c'est-à-dire que ce que dit Madame Antonin est exact, bien sûr. Et simplement, il regarde finalement l'emploi d'une manière, de mon point de vue, un peu abstraite. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, derrière ces emplois, il y a des humains, et ces humains ont vu leurs tâches glisser. Je vais donner un autre exemple, qui n'est pas à l'export et qui n'est pas dans une entreprise qui produit des biens. Vous parliez tout à l'heure des caissières ou des caissiers de supermarché. Maintenant, on conçoit des boutique entièrement automatisée, sans rien. C'est-à-dire, vous entrez avec votre téléphone portable, vous prenez les produits que vous voulez et vous sortez sans rencontrer personne, sauf d'autres clients, le cas échéant, avec la distanciation sociale, physique qu'il faut. Et tout ça, c'est géré d'une manière qui est complètement automatisée avec des techniques très avancées qui n'existent pas partout, hein, avec de l'intelligence artificielle, etc. Donc, les humains, ils sont où? Ils sont évidemment pour approvisionner les marchandises pour le moment, parce que bien sûr, ceux-là aussi pourront être remplacés par des robots ou partiellement remplacés par des robots. Alors, où sont partis tous les gens qui sont aujourd'hui dans la boutique où vous allez? Ils ne sont pas dans la même entreprise en train de faire, par exemple, des livraisons à domicile. Parce qu'il y a un autre facteur dont il faut tenir compte, c'est le vieillissement de la population. Donc tous les emplois ne glissent pas d'une manière simple comme ça à être remplaçables. Ceux qui vont faire des livraisons à domicile, eux-mêmes d'ailleurs, on va les automatiser. Alors vous voyez qu'il faut être prudent quand on regarde l'ensemble du phénomène et vraiment penser effectivement à ce que vont devenir les individus. Et c'est pour ça que je répète qu'il faut regarder les choses aussi du point de vue politique et du point de vue social, parce qu'on est dans un contrat social avec des mécanismes qui permettent de réguler des évolutions et qui permettent de partager finalement les accroissements de productivité. Est-ce qu'on va continuer dans cette direction? Avec quels moyens? Comment est-ce que ces gains de productivité ou les résultats bénéfiques de cette automatisation qui peuvent créer effectivement des emplois par ailleurs dans certains endroits vont se traduire pour permettre à la population qui, elle va sortir finalement de ce cycle de ne pas se retrouver sans rien du tout. Donc il y a de la formation, mais ce n'est pas suffisant. De nouveau, il y a le facteur temps et l'accroissement de l'âge. Il y a aussi les nouveaux types de métiers avec des protections sociales qui sont beaucoup moindres. Il y a le fait qu'on s'oriente de plus en plus vers l'auto-entrepreneuriat au lieu du salariat dans un certain nombre de tâches et de métiers. Tout cela doit être examiné en même temps. Il ne s'agit pas de voir une transformation où en regardant uniquement les emplois, eh bien, les entreprises peuvent continuer à prospérer, effectivement, créer des emplois, vendre des produits. Et puis c'est l'État, avec ses moyens qui sont de plus en plus finalement limités, qui doit tenir compte des conséquences négatives qui impactent un certain nombre d'anciens travailleurs et qui sont de plus en plus âgés. La question, ce qui est intéressant, c'est que pour aller dans le sens inverse de ce que vous disiez tout à l'heure, Céline Antonin, moi j'ai sous les yeux un rapport de l'OCDE en 2019 qui stipule, en tout cas pas tout à fait l'inverse, mais qui dit en tout cas qu'il n'y a pas de vase communicant entre les emplois détruits et ceux créés dans le secteur numérique en compensation. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait que les emplois créés sont des emplois très différents, comme vient un peu de le dire Raja Chatila. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors ça n'invalide pas ce que je dis, parce que en fait ce qu'on a montré nous, et justement c'était aussi une idée d'aller suivre l'emploi au plus près, c'est qu'on s'est vraiment fondé sur ce qui se passait au sein des établissements industriels. Donc on s'est même pas intéressé aux entreprises, on a regardé au sein des usines en fait ce qui se passait, et en fait ce qu'on a montré, c'est tout simplement que les entreprises, donc les plus productives, celles qui arrivent à exporter leurs produits, ce sont celles qui en fait arrivent à embaucher, et que dans ces cas-là, la machine aide au processus de production mais ne remplace pas l'humain. En revanche, ce qu'on a fait, c'est et je le précise parce que je pense que c'est très important, c'est sur le domaine industriel, sachant que l'emploi en France, il est à 80% dans les services. Donc, on n'a pas regardé la question des caissières, on n'a pas regardé ce qui peut se passer dans les services. Je pense que là, les problématiques peuvent être différentes, et je pense que, bien sûr, ça pose la question de la trajectoire des salariés. Mais alors, c'est vrai que, ce que je trouve problématique dans ces réflexions, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait sur les services, parce qu'il y a un problème sur les données. C'est toujours le problème de l'économiste, arriver à trouver des données qui soient pertinentes et qui permettent justement d'avoir des données d'automatisation et d'emploi. Mais sur la problématique, par exemple, des magasins sans salariés, par exemple, je pense qu'à posteriori, enfin que effectivement on voit des supermarchés on imagine des supermarchés en tout cas sans caissière, mais moi je pense qu'au contraire le métier de caissière est amené à évoluer, c'est-à-dire que ça sera finalement un métier qui sera complémentaire sans doute de celui de la machine. Ça sera davantage réfléchir à la manière dont on organise les rayons, à la manière dont on organise le supermarché, dont on met des produits en exergue. Ça sera le contrôle de la manière dont fonctionne ces caisses. Donc disons que je pense qu'après c'est aussi un choix de société, et c'est aussi une volonté je pense que c'est le souhait de personne de vivre dans un monde où il n'y aurait que des machines. Je prends un autre exemple très prosaïque, par exemple sur des métiers, je sais pas, du prêt-à-porter par exemple. Vous pourriez très bien vous imaginer qu'effectivement on peut tout acheter en ligne et que la vendeuse ne sert plus à rien, mais la vendeuse ou le vendeur, hein, parce qu'on dit qu'est-ce qu'il y a vendeuse ou transformée vers un rôle de conseillère, ou enfin vous voyez. Bien donc sûr. Je pense que la nature qualitative des emplois est amené à évoluer, et pour compléter ce que disait monsieur Chatila, donc je suis tout à fait d'accord sur le rôle de l'État, le rôle de la formation. Alors bien sûr, il est évident qu'on va pas transformer une caissière en ingénieur docteur, faut rester réaliste, mais je pense qu'il y a vraiment dès la formation initiale, il faut que l'État anticipe les évolutions à venir, parce que je pense qu'on n'est pas assez prospectif aussi, c'est-à-dire qu'on comprend bien que dès aujourd'hui on a des besoins importants en data scientist, on a des besoins importants en ingénieurs, on a besoin de gens qui connaissent très bien les outils numériques, la programmation, et on a besoin de tâches qui n'existent pas aujourd'hui mais qui existeront demain. Donc il faut vraiment qu'il y ait ce souci de projection, et c'est vrai que si on en croit les études de l'OCDE, la France est quand même assez à la traîne, donc par rapport par exemple à des pays d'Asie du Sud, donc je pense très à la traîne, qu'il y a vraiment par rapport à la Corée ou au Japon. Un effort à faire sur ces sujets. Oui, je faisais un petit clin d'œil, mais c'est vrai qu'on dit caissière, vendeuse, mais on devrait dire caissier ou vendeur de la même façon. C'est tout de même important. On pourrait dire un mot de la taxe robot en 2 secondes, Raja Chatila, parce que on se dit, est-ce que finalement la solution c'est de pas justement taxer ou de traiter un robot ou l'arrivée d'un robot dans une entreprise? Mais vraiment, je vous laisse 5 secondes pour le dire, parce qu'on arrive au bout de l'émission malheureusement. Alors non. Bon. je pense que la taxe robot, c'est un concept qui est mal défini, et que d'abord ce n'est pas faisable. Ça n'a pas tellement de sens. On ne va pas commencer à taxer les machines parce qu'on va s'attaquer à ce moment-là justement aux moyens qui font que l'entreprise va devenir plus performante. C'est dans d'autres mécanismes qu'il faut regarder. Regarder par exemple les bénéfices et non pas les robots. Je suis malheureusement obligé de vous arrêter ici parce qu'il est 16h58, voilà. C'est malheureusement la fin de cette émission, mais on rediscutera vraiment avec grand plaisir de cette notion de taxe robot. Faut-il taxer le robot? C'est une question complexe qu'on ne va pas traiter en quelques secondes et qui méritera une émission à part entière. Merci beaucoup à tous les deux, merci Raja Chatila, merci Céline Antonin. Je rappelle qu'on peut vous lire, vous êtes co-autrice avec notamment Philippe Aguillon et Simon Bunel de Le pouvoir de la destruction créatrice, c'est chez Odile Jacob. Et puis un mot d'excuse, hein, c'est le Ronce Noir, le nom du groupe que nous avons diffusé tout à l'heure, et pas Roche Noir. Vraiment avec toutes mes excuses pour cette confusion. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Michel Simon à la technique. Michel Simon à la technique, ça aurait donné autre chose. Michael Simon, décidément, c'est difficile les noms aujourd'hui. Demain, nous parlerons conscience et cinéma intérieur. Vous n'êtes pas la seule ou le seul à vous parler tout seul dans votre voiture ou à projeter des films dans la tête le soir avant de dormir. On parle de toutes nos voix et de tous nos amis imaginaires. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Demain, ce sera avec Lionel Nakache à 16h jusqu'à preuve du contraire.